L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, découverte d'une conférence. Si on ne punit pas, on fait quoi ? Ça aura lieu le mardi 2 décembre, c'est à Nancy. Et c'est une soirée familiale. Pour en parler, nous avons au téléphone Aurélie Lamotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole à Familia et vous coordonnez cet événement. Familia, en quelques mots, c'est quoi ? Alors, Familia, c'est un lieu d'écoute, un lieu d'accueil où on veut prendre soin des relations, notamment au sein de la famille. Et c'est à Nancy, rue Saint-Léon. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait alors à Familia ? Vous avez connu comment ? Moi, j'ai connu Familia parce que la conférence de Roselyne Roy va avoir lieu. Je connais bien Roselyne Roy puisque je me suis celle qui a traduit tous les livres de Faber et Mazwich. Et je me suis fortement intéressée à l'approche et donc j'ai contacté Familia pour coordonner cette venue de Roselyne. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ces méthodes, vous pouvez nous expliquer de quoi ça parle et à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse en fait à tous les parents et à tous les professionnels de l'enfance, que ça aille de la petite enfance à l'adolescence. Et l'idée, c'est vraiment de donner des clés de communication très concrètes aux personnes qui sont en interaction avec les enfants pour que les enfants soient plus épanouis et pour que ça se passe bien au quotidien dans la relation parents-enfants ou professionnels de l'enfance et enfants. Voilà. Une méthode que vous avez découverte, qu'est-ce qui vous a plu dans ces méthodes ? Ben moi, c'est le titre du livre, Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Donc, ça m'a interpellée parce que je vois bien qu'au niveau de la communication, il y a des choses à faire au niveau de l'écoute. Et après, quand j'ai ouvert le livre, au fur et à mesure, j'ai trouvé que c'était très, très concret. J'étais déjà enseignante depuis 10 ans, j'ai découvert quand j'ai été maman. Et à chaque fois que j'ai rencontré des difficultés, que ce soit avec mes enfants ou avec mes élèves, je suis allée chercher des solutions dans cet ouvrage. Et il y a aussi des ateliers en fait qui se font à partir de ces ouvrages, où c'est des rencontres entre parents. Donc plusieurs rencontres, donc 6 rencontres, où on fait des jeux de rôle, où on lit des bandes dessinées, où on se met à la place des enfants pour mieux les comprendre et aussi pour mieux comprendre comment différents parents peuvent interagir en utilisant en fait des habiletés de communication, des clés de communication, mais tout en gardant en fait son authenticité et son côté humain. Donc cette conférence mardi 2 décembre, on redonne le titre, c'est « Si on ne punit pas, on fait quoi ?» Elle va être axée sur une partie de la communication ? Sur une partie de la communication et puis ce moment où, vous savez, en tant que parent, on ne sait plus quoi faire, on est trop dans la tempête émotionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire à la place de la punition ? Puisque des fois, on est tous tentés à un moment donné de dire « bon bah stop » et de punir. Et donc Roselyne Roy, elle va expliquer très bien comment on peut faire avant de punir. Et quand on en arrive au stade où le problème devient trop important, elle donnera vraiment des outils, des clés très concrètes pour résoudre en fait les problèmes et pour permettre aux jeunes de toujours continuer à évoluer tous les jours, quoi. Donc à quel public s'adresse cette conférence ? Aussi bien des parents même que des enseignants ? Parents, enseignants, ça peut même être grands-parents. Moi, j'ai déjà eu dans un de mes ateliers une tata qui voulait améliorer ses relations avec ses neveux et nièces. Donc vraiment, c'est tous les gens qui souhaitent faire du mieux qu'ils peuvent tous les jours pour avoir une relation saine avec les jeunes qui l'entourent. Voilà, la conférence, c'est le mardi 2 décembre, salle Notre-Dame-des-Anges, au 20 rue Saint-Léon à Nancy. C'est à 19h30. Et est-ce qu'il faut s'inscrire pour y participer ? Alors oui, il faut s'inscrire. Donc vous pouvez aller sur le site de l'espace Familia de Nancy et vous trouverez toutes les informations utiles pour pouvoir s'inscrire. Donc la conférence, c'est le mardi 2 décembre. Et au-delà de cette date, d'autres rendez-vous ? Alors oui, il y aura d'autres rendez-vous. Pour les parents qui souhaitent s'inscrire, il y aura un cycle de 6 séances, donc l'animation d'un atelier entier. On sera là à la fin de la conférence pour en parler avec vous. Il ne faudra pas hésiter à venir poser des questions. Et c'est à partir de janvier prochain que cela commencera. Merci beaucoup Aurélie Lamotte. Je vous laisse peut-être le dernier mot, peut-être un dernier argument pour des personnes qui pourraient être concernées. Et je pense que beaucoup peuvent l'être sur cette thématique-là. Eh ben, c'est que on peut tous avoir des moments où on rencontre des difficultés, mais c'est pas une fatalité quand on est entouré et on a des outils pour avancer. Donc il faut pas hésiter à en parler et à venir découvrir Roselyne, qui vraiment est très intéressante à écouter en conférence. Voilà, si on ne punit pas, on fait quoi ? Conférence par Roselyne Roy, mardi 2 décembre. Merci beaucoup Aurélie Lamotte. Eh ben merci. Et retrouvez toutes les informations pratiques concernant cette conférence sur le site www.familia-nancy.fr. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.